کجایی بگیفن؟ ای پوک باکیش مخلنه ای بگیفن؟ Ah là là là là là, on se le demande chaque semaine pourquoi ils sont pas là les petits enfants. Peut-être parce qu'il est 21h en ce jeudi 16 février que vous êtes en train d'écouter vraiment autre chose. Ou peut-être c'est parce qu'il est 22h30, c'est encore plus justifié que les enfants soient couchés parce que vous nous écoutez un vendredi sur Bram FM, c'est possible aussi. Ou alors, peut-être que les petits-enfants, ils sont à l'école et vous profitez justement de ne pas les avoir sur les bras pour écouter vraiment autre chose en rediffusion ou en podcast. Peut-être que vous êtes allé sur le Mixcloud de Radio Radio ou de vraiment autre chose. Ou peut-être que vous êtes allé sur le blog de vraiment autre chose. C'est peut-être comme ça que vous nous écoutez. Alors justement, à ce sujet... Au sujet de Mixcloud, si vous nous écoutez sur Mixcloud, par exemple, là, vous ne nous écoutez pas sur Mixcloud, c'est sûr, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une nouvelle politique dans cette plateforme musicale consiste à interdire à un podcasteur, même à une émission d'une radio FM qui paierait déjà des droits et des copyrights pour diffuser ce qu'elle diffuse. Il est donc interdit par cette plateforme de diffuser plus de 3 titres du même groupe dans, au sein de la même émission. Depuis qu'on fait nos émissions au pied de la lettre et qu'on explore la Nurse Wizoon List et qu'on vous présente des groupes par ordre alphabétique qu'on connaît ou qu'on connaît pas, il est arrivé, il arrive des fois que bah, pour des besoins de bien vous faire comprendre l'univers du groupe, et ben on ait besoin de vous passer plusieurs morceaux. Voilà. Et donc quand c'est comme ça, Mixcloud coupe l'émission. Il y a le lecteur ne marche pas. Donc bon, tout est réglé. Dans le blog de vraiment autre chose, vous retrouverez toutes les émissions avec des lecteurs qui marchent. C'est dans les commentaires de Mixcloud, donc vous pouvez quand même nous écouter. Voilà. Et bah juste un petit message personnel, puisque bah en fait tout ce qui est monté sur Mixcloud est analysé par une intelligence artificielle qui repère qu'il y a 3 fois un morceau de Captain Beefheart. Non, du coup, on peut pas passer cette émission. Je voulais juste dire à cette intelligence artificielle que je l'emmerde et que c'est pas Mixcloud qui va dicter nos lignes éditoriales et musicales. Ce soir, on va faire un au pied de la lettre, toujours sur la lettre M. On va s'arrêter beaucoup, un gros fil rouge autour de Magma. Il y aura bien plus de 3 morceaux et c'est comme ça, voilà. Parce que mince, bon voilà, donc cette parenthèse étant fermée, ce soir donc nouvel épisode de Au pied de la lettre, tentative d'exploration de la Nurse Wizoon List. Cette liste donc, petit résumé très bref, c'est le groupe Nurse Wizoon qui, quand il publie son premier album, met une liste, un petit feuillet avec une liste, la Nurse Wizoon List, liste de 300 groupes, musiciens ou musiciennes, qui les auront influencés, qui les auront amenés à vouloir faire de la musique et à créer. Voilà, et cette liste est devenue très célèbre avec le temps. Voilà, c'est une époque où on n'avait pas vraiment d'internet, et quand on est fan de musique progressive, aventureuse et expérimentale, quelqu'un qui a compilé 300 noms, des choses totalement connus comme Frank Zappa par exemple, ou comme King Crimson ou Magma dont on va parler tout à l'heure, des choses totalement inconnues, des groupes qui ont sorti qu'un seul album à 500 exemplaires, ben cette liste là c'est devenu une mine d'or pour quiconque voulait creuser, en savoir plus un peu sur les musiques expérimentales en Europe et dans le monde. Et cette liste là on a décidé de s'y consacrer depuis pas mal d'émissions et on attaque lettre par lettre. Et donc on est ce soir au rendez-vous avec l'ami Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manu. Avec l'ami Nico en direct de Loutre-Quivrin. Salut Nico. Bonsoir, bonsoir à tous. Justement pour te répondre à ta question que tu posais au départ de l'émission, où sont les enfants? Ils sont ce soir au Centre des Arts à Angers-les-Bains parce qu'il y a un concert qui est pour l'instant là avec Magma. Ah, les enfants sont allés voir Magma direct au lieu de nous écouter le raconter. C'est bien, les enfants s'autonomisent. C'est pas con. Hein. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Ça, c'est... Alors là, je sais pas si Anatole et Noé, ils écoutent là, mais il y a du grain, il y a du grain à prendre. Donc ce soir, on va parler de Magma, un gros fil rouge autour de Magma. Et voilà, pour respirer un petit peu entre les 3 grandes parties où on va vous parler de Magma, moi, je vous présenterai les groupes Majoon et Magical Power Mako. Et on jouera au Mahjong. Et on jouera au Mahjong, mais oui, carrément. Bon, puisque tu as pris la parole, Stéphane, si vous voulez la parole, gardez-la. Ben, très bien, je la garde. Donc, on va parler de Magma. Alors Naswinzwun, quand ils ont vu, quand ils mettent Magma sur sur leur liste, Magma, sa grosse carrière des années 70 est déjà passée, on va dire. Ils s'orientent un petit peu vers le premier break des fins de 1982. Et donc, on va faire une petite rétro. Et je m'occupe particulièrement de la première partie, donc de Magma, de, on va dire, de 70 à 72, puisqu'en 73, ils enregistrent Mécanique, et ce sera Nico qui nous en parlera. Donc, 1970, pour faire un petit peu la genèse rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas Magma, parce que tout a déjà été dit, la série. C'était pour toi. Wow. Donc, Magma, ça se forme après, on va dire, des expériences de Christian Vander avec notamment Bernard Paganotti dans des groupes aux noms assez étranges comme Vourdalak, qui annonce déjà des titres un peu cobayens. Et surtout, la mort de John Coltrane qui traumatise Christian Vander et qui part en Italie. C'est l'histoire que l'on connaît. Et c'est un peu comme Jacques Vergès. On ne sait pas trop ce qu'il fait en Italie ou l'autre, qu'est-ce qu'il faisait au Cambodge avec Pol Pot. En tout cas, il est en Italie. Il revient et il décide de former Magma avec le bassiste, notamment Laurent Thibault, le fameux... flûtiste Teddy Lasry, et qui d'autres, bon, je vais vous citer les musiciens un petit peu plus tard quand on va vous présenter le morceau. Et c'est donc une formation très, très novatrice pour l'époque, puisqu'elle mélange le jazz et le rock. Alors Miles Davis venait de sortir Beaches Brew, on est déjà dans ces mélanges. Le psychédélisme de Cream, il y a Jimi Hendrix, donc on commence déjà un petit peu à toucher vers le prog. Et Magma, lui, c'est vraiment le jazz qui tourne, qui dicte sa musique, particulièrement donc John Coltrane. Alors en écoutant Magma, on se demande quel est le point commun avec John Coltrane. Mais évidemment, c'est Elvin Jones, surtout le batteur. Alors tous les batteurs des années 70, je pense que les années 70, c'est le groupe, c'est l'avènement des batteurs de rock. On a eu John Bonham, Ginger Baker dans les années 60-70, Bill Bruford, Ian Paice, Bill Ward de Black Sabbath, Robert Wyatt. Donc c'est vraiment une décennie où la batterie va exploser et Christian Vander va étonner à peu près tout le monde. Lui, il est plutôt inspiré, donc je disais, par Elvin Jones, alors que la plupart sont inspirés par d'autres batteurs de jazz comme Buddy Reed, Gene Krupa, Art Blakey. Et donc, il va utiliser ce sens du rythme, cette notion d'espace, ces pêches propres au jeu d'Elvin Jones. Et aussi, dans les mélodies, les compositions, l'utilisation des cartes très chères au pianiste McCoy Tyner, qu'on entend dans la musique de Magma. Et c'est ça qui fait un petit peu le lien avec la musique de John Coltrane. Les cartes, le jeu de batterie. Parce qu'évidemment, remplacer John Coltrane, ça n'est tout simplement pas possible. Alors en 1969, ils s'enferment à Paris dans divers studios. Ils vont répéter dans des MJC. Ils préparent leur premier album qui sort en 1970 et qui s'intitule Cobaya. De suite, on a affaire à un groupe qui revendique son désamour. Et le mot, c'est une petite litote pour le genre humain, on va dire. Puisque une pochette assez mythique montre une terre dévastée, en train de subir une apocalypse. Et l'histoire, Cobaya, raconte l'histoire de musiciens, de gens éclairés, qui vont s'enfuir sur une planète qui s'appelle donc Cobaya, et à travers un vaisseau pour aller rechercher l'amour, la beauté, etc. Alors on peut penser à tout ce qui est hippie, mais on est loin du flower power. Les gars sont habillés en noir avec un signe, le signe Magma avec les je sais pas si c'est les trois soleils ou les trois lunes, les cheveux longs, musique très martiale. Donc on est loin du côté hippie, mais ils veulent prôner l'amour, la recherche de la beauté absolue, la recherche de la note absolue comme John Coltrane. Et donc voilà, un album, je ne vais pas vous faire les citations, mais chaque morceau nous parle c'est une sorte de storyboard. On va écouter le second titre qui s'appelle Aina, en hommage à mon défunt chat d'il y a quelques années, qui raconte donc le début du voyage. Je vous lis la petite note de pochette. Pensée nostalgique des passagers qui ont rompu tous les liens avec le passé. La joie du départ dissout toutes les peines, tandis que le voyage se poursuit. On arrive en vue de Malaria, planète étape, le vaisseau se pose. Thank you. Voilà, c'était donc Aina sur le premier album de Magma, Kobaya. Et donc, je vais vous présenter les musiciens. Vous avez entendu que c'était assez foufou. Ça peut rappeler par moments, moi, ça me rappelle Frank Zappa, entre la période 68 et le Grand Oiseau. Il y a ces mélodies imbriquées. On passe d'une mélodie à l'autre, d'un rythme à l'autre. C'est complètement barjo. Les musiciens, c'était donc Christian Vander. Claude à la batterie, Claude Engel guitare et flûte, Francis Moz à la basse, François Kahn au piano, Teddy Lasserie au saxophone et flûte, Richard Rowe saxophone et flûte, Alain Charlery trompette et percussion, et Klaus Blaskies le chanteur qui a fait la renommée de Magma avec sa voix de baryton d'opéra. Vous avez entendu qu'il chantait dans une langue assez étrange, c'est le cobayen tout simplement. Christian Vander estimait que la langue française ne pouvait pas exprimer et rythmiquement ça ne lui plaisait pas. Il n'était pas tenté par l'anglais non plus, donc il a fait cette langue. Alors il y a beaucoup de mythes, c'est une langue qui lui apparaît en rêve, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne bien en tout cas au niveau des mots. Ça rappelle les opéras de Karl Orff, ça rappelle la musique latine aussi, enfin les chants latins, on ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Donc il y a un fort accent germanique, mais voilà, on sait que Christian Vander est très influencé par Karl Orff, Gustav Holst aussi, si je ne m'abuse, d'autres musiciens, lequel autre ? Stravinsky, oui. Voilà, donc c'était Stravinsky. Donc le cobayen, cette langue assez étrange, qui est traduite des fois a posteriori. Allez poser des questions à Christian Vander qui vous répondra un petit peu mieux. Mais je crois qu'il aime bien entretenir le mystère. Oh ben c'est même pas à Christian Vander qu'il faudrait poser la question, mais à Zebensdren de Goshta. Exactement, son surnom. C'est vrai que plus tard, ils utiliseront des surnoms sur l'album Attack, etc. Tous les musiciens auront leur propre surnom avec le nom de l'instrument. Enfin bref, c'est assez illisible, mais c'est très joli à entendre. Comment a été perçu cet album ? Alors je vous le disais, on est à la naissance du rock prog, du mélange du jazz, du rock. Eh bien, l'album est plutôt bien reçu, bien que confidentiellement. On sait qu'à l'époque, Rock and Folk avait craqué dessus. On se souvient de Hamster Jovial avec Gottlieb qui comporte un petit jeune scout en train d'écouter Magma justement cette période. Ça intrigue pas mal. Jean-Yann lui-même les emploiera dans un film qui s'appelle Moyen à vouloir des sous, où ils joueront dans une église le groupe moderne qui représente l'église. C'est assez c'est pas mal. C'est le même combo avec Teddy Lasserie qui nous sort un bon solo de saxophone bien free. Face à Michel Serrault et Jean-René Cossimon, habillé en évêque. Donc une loufoquerie de Jean-Yann, c'était pour l'anecdote. Je disais donc que voilà, ça avait attiré le cinéma, rock and folk, mais aussi le magazine Jazz Hot, qui chronique cet album. Il trouve du sérieux, un renouveau du jazz, donc on est vraiment à la croisée des chemins. On va s'écouter un deuxième extrait parce que pas de cet album parce qu'on n'a pas vraiment le temps et qu'il est très long, mais je vous le recommande. C'est un album un album concept et il est tout simplement classé dans les disques à écouter par je sais plus quel journaliste qui nous les raconte. On va passer au suivant enregistré l'année d'après avec la même équipe quasiment. Il y a Yoshko Sefer qui va jouer du saxophone en plus et de la clarinette basse. L'album s'appelle 1001 degrés centigrades. C'est la suite de Kobaya. On reste toujours dans l'univers mythique de Kobaya, de la planète, etc. Avec des héros, des mythes, etc. Et il n'y a pas de note de pochette en revanche sur celui-ci. Sachez juste qu'il a été réenregistré dans les années 2000-2020, me semble en live, tel que Christian Vander l'imaginait. Donc il y a une version live de 1001 degrés centigrades qui doit dater de 2018, je regarderai vite fait, qui est selon lui la version ultime. Donc, on va s'écouter quel extrait je t'avais dit déjà, mon cher Manu. Islandei Doja. Lansei Doja. Autre chose à dire sur ce titre, c'est qu'il n'est pas composé par Christian Vander, mais par Teddy Lasry. Donc, c'était quand même aussi une époque où on ne joue pas exclusivement ses compos. Le groupe est ouvert et on sent bien que c'est quand même assez participatif. Ça le deviendra un petit peu moins par la suite. Thank you. Donc Islansei Doia, composition de Teddy Lasry sur l'album 1001 degrés centigrades. Alors je vous disais, il a été enregistré, réenregistré. Non, c'est le titre Reasailtak qui ouvre l'album, qui est aussi long d'ailleurs, une douzaine de minutes, qui a été réinterprété en 2014 par le groupe de Magma de cette époque-là, sans les cuivres, avec vibraphone, guitare basse, etc. C'est juste avant Slack Towns. Que dire d'autre ? Eh bien, Magma, après ça, donc vous voyez, je vous parlais de l'effet participation du groupe. Ça n'a pas empêché Vander, 40 ans après, de retravailler le morceau, puisque lui, il voulait cet arrangement-là et il n'était pas vraiment satisfait. Donc, on va rentrer dans une période après de Magma où on va commencer à avoir beaucoup plus de changements de personnel. Et le personnage de Christian Vander va vraiment avoir une emprise un peu plus sur son groupe, l'imagerie dont on parlait tout à l'heure, les noms, le cobayen, la mystique de Magma, et s'orientera vers un style musical moins jazz, avec des compositions un petit peu plus longues. Je vous parlais d'Elvin Jones, le morceau qu'on vient d'écouter, l'intro, la batterie, la cymbale, c'est tout à fait du Elvin Jones, c'était de la façon de rider, de mener cette cymbale ride, on l'a dans la musique de John Coltrane, c'est pas un copieur d'Elvin Jones, il sublime son jeu à travers les inspirations d'Elvin Jones. Donc Christian Vander, très très très bon batteur qui à ce moment-là évidemment ne laisse personne indifférent. Voilà. Oui. Et en août 72, il y a quand même un troisième album qui sort de même membres de musiciens, mais qui sont pas sous le nom de Magma, oui, mais sur de Univers et Asect. Oui, c'est de Unnameables, je crois qu'il s'appelle aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Donc, mais le groupe s'appelle à ce moment-là pas Magma, mais oui, de Univers et Asect. C'est leur nouvel nom ou leur pseudonyme pour ce groupe-là. Parce qu'il a constaté avec ce groupe-là, ou plutôt avec cet enregistrement, ça n'a pas marché. Ils ont vendu que 1500 exemplaires, oui, qui actuellement, c'est beaucoup, mais à cette époque-là, c'est très, très peu. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de musiciens qui ont décidé de quitter la formation. Et donc, tous les musiciens qui sont fort inspirés de la jazz ont quitté la formation. Sauf Christian Vander, qui restait dedans, qui reste encore toujours inspiré par John Coltrane. En 90, il commence avec son trio et son quartet, exact. Christian Vander Duo Trio, où il consacre vraiment le jazz et joue que des morceaux de John Coltrane. Mais là, en 73, c'est lui et Klaus Blasquist qui changent complètement le groupe, qui prennent un autre, comment on dit, un autre chapeau. Un autre virage. Voilà, tout à fait. Et là, c'est en fait l'année où que l'album culte de Magma a été créé, c'était Mechanic Destructive Commando qui était formé. Et quel album, waouh, ça reste une pièce d'œuvre, je pense. On ne peut pas la comparer avec quelque chose d'autre. Il y a d'autres albums de Magma qui sont super chouettes aussi, mais ouais. Je regarde un peu que je ne suis pas aujourd'hui en France pour voir le concert, parce que c'est fêter le 50e anniversaire de cet album-là qui vont le faire ce soir. Donc, on doit le rater, mais pas un gros problème. Hein. Je crois qu'ils repartent en tournée, donc tu devrais les revoir dans pas très longtemps. Hein. Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment fêter cet nouvel album. Ou plutôt de mémoriser un peu le 50e anniversaire de cet album-là. D'accord. Parce qu'ils sont occupés, ils viennent de sortir un tout nouveau album. Et je pense pour les concerts qui vont suivre, parce qu'ils vont au Chili donc, dans un mois ou quelque chose comme ça. Et là, c'est plutôt le nouveau album qu'ils vont jouer et pas l'album mythique, qu'on pourrait dire. Mais voilà. On le retrouvera probablement en live dans un acte absolument, ou un DVD. Si ça se fait tout à encore. Fait. Mais c'est quand même, il faut le voir live. Ah ben oui. Mahmoud, il faut vraiment, l'expérience est fantastique. Je me souviens comment quand nous avons organisé en 2019 à Bruxelles, au Théâtre 140, c'était fantastique comme concert. C'est, ouais. Ah, c'est le groupe à voir, oui, complètement, ouais. Voilà. Mais deux ans plus tard, donc en 2021, il y a eu le Covid et je l'ai revu dans un autre lieu en Belgique et là, ça marchait pas. Ils ont vraiment perdu tout l'esprit de Magma. On voyait que Christophe Vandere est devenu très fatigant et donc j'espère que sa santé est améliorée entre temps et que ça, il revient un peu comme avant. Alors là, on pourrait faire des énormes débats interminables sur les diverses formations qu'a eu Magma et sur nous avec Stéphane, on a vu notre premier concert de Magma ensemble, c'était en 2001 si je ne m'abuse. Ah non, c'était en 96 au Florida, je crois. Non, c'était 97. C'était pas au Rio Grande à Montauban ? Ah non, c'est au Florida avec Jacques. C'est ses vieux potes dans la voiture. En tout cas, ça remonte. Nous, on a vu la formation de Magma quand ils se sont reformés. Il y avait notamment les fils Paganotti, Antoine Paganotti qui chantait, qui prenait la batterie de temps en temps. Et Miko Paganotti qui avait rejoint la section des chanteuses. Moi, par la suite, j'avoue les changements de line-up, mais je sais pas si c'est le moment d'avoir cette conversation-là. Mais c'est vrai que Magma est un groupe qui existe encore de nos jours, en fait, qui a changé beaucoup de musiciens, qui change encore beaucoup de musiciens, des fois de façon très violente. Il y a des musiciens qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui sont remerciés d'un coup, et le line-up change. Moi, personnellement, j'ai pas retrouvé la flamme magmaïenne que j'ai pu connaître quand ils se sont reformés avec les fils Paganotti. Mais c'est un point de vue personnel, mais je crois que chaque auditeur de Magma a une idée précise sur le line-up meilleur de Magma, sur quels sont les meilleurs morceaux à entendre en live. En tout cas, t'as raison sur le fait que Mécanique Destructive Commando en live, ça déboîte. Et que même si la formation actuelle, personnellement, trouve pas très grasse à mes yeux, découvrir Magma en live, ça reste une expérience exceptionnelle. Absolument, absolument. Et donc, l'album Mécanique Destructive Commando, ce sont des longues pièces articulées en 7 mouvements. Donc, le Mécanique MDK, je vais l'abrévier comme dans ce sens-là, a connu une longue gestation avant de parvenir à son état d'aboutissement définitif. Le cheminement accompli entre la courte version 45 tours de la forme précédente ou prédominante de travailler des cuivres et celle qui est présentée sur cet album est considérable. Tout le mérite et convient à Christian Vander qui seul désormais va prendre en main de manière irrévisible la destinée artistique de Magma. Si la présentation instrumentale du groupe a encore gagné en puissance, avant notamment l'arrivée à la base de Yannick Top, dont le jeu se relève en parfois de symbiose avec l'esprit de la musique de Christian Vander, ce qui frappe sur le Mécanique Destructive Commando, c'est le souffle équipe qui se gagne de travailler magistral accompagné par la section vocale propulsée par une rythmique inexorable et renforcée par un chœur féminin où apparaît pour la première fois Stella Vander qui est devenue entre-temps sa femme et ouais ça vraiment donne un nouveau couleur, je pense, aux formations de Magma. On va écouter maintenant deux morceaux consécutifs. C'est le premier, c'est parce que le titre, c'est toujours super chouette à prononcer. Je ne sais pas si... Donc, c'est Hörst für den Stecken West. Ça, c'est le premier morceau. Et on enchaîne immédiatement avec Ima Zori Dondai. We'll be right back. campagne. Da hält das 37 und I'm not afraid. Il est bientôt 22h sur Radio et vous écoutez vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive. Nous poursuivons nos explorations de la Nurse Wiswoon List, les au pied de la lettre. Aujourd'hui, nous sommes sur la lettre M. Énorme fil rouge autour de Magma. On vient d'écouter deux pistes de l'album Mécanique Destructive Commando. Vous l'avez remarqué, hein, ça coupe de façon abrupte tout simplement parce que tout ça, c'est une suite en fait et il faut vraiment écouter l'album en fait. Voilà. On n'a pas pu vous le passer en entier, mais tout est une merveille absolue. C'est une des plus belles choses qui soit que Magma ait faite que cette suite, comme tu disais, Nico, tout à l'heure. Et je te laisse la parole, c'est toi qui nous présente. Je me laisse aller à mes flux émotionnels, mais quel plaisir, quel pied d'entendre cette musique. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Là, on voit clairement le changement de deux albums et celui-là. Le jazz a disparu et qu'une forme de psychédélisme est arrivé. Et aussi, avec les deux morceaux qu'on vient d'entendre, on a vraiment reconnu peut-être le cobayisme. Comme Blaskis a dit que le cobayen est un langue phonétique faite d'éléments de langue slave et germanique pour pouvoir exprimer certaines choses musicalement. Et Vander lui-même a déclaré « Quand j'écrivais le son du cobayen, venait naturellement avec moi. Je n'intellectualisais pas le processus en me disant « Ok, maintenant je vais faire des mots dans une langue particulière. » C'était vraiment des sons qui venaient en même temps que la musique. Les albums ultérieurs racontent des histoires différentes se déroulant dans des temps plus anciens. Cependant, le cobayen reste une partie intégrante de la musique. Et pour le montrer, on va encore écouter deux morceaux de cet fantastique album. On va écouter deux morceaux, c'est le Dazzle Murst mécanique et le chef d'œuvre, c'est le mécanique commando. C'est le deuxième morceau qu'on va écouter. Stegen weg, Potz, sie werd unter Erz, Potz, dappel das Bunker, Potz, sie werd degel stark, Potz, wird dein Puls beleid, Potz, wird dein Puls beleid, Potz, wird dein Puls beleid, Potz, wird dein Puls beleid, Potz, wird den Stegen weg. Yeah. Bah, dis donc. C'est super. Est-ce que vous avez chanté là-bas? Parce que je pense que vous êtes un peu des spécialistes de kobayaïsme. Non, moi j'ai fait de la air batterie. Bah ouais, c'est vraiment une musique qui a bercé notre jeune âge adulte avec Stéphane, notamment la découverte de cette pièce, mais sur sa version live, je crois, à Bobino en 81. Une version qui est très... C'est ça, hein, je ouais, me trompe, c'est Stéphane. Rétrospective 1 et 2. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est Bobino, ouais. Ouais. Ou l'Olympia, enfin bref. Face A, Tezamtak, face B, Mécanique Destructive, Commando. La version live aussi vaut son coup d'oreille. Elle est peut-être un peu plus datée musicalement, bizarrement. Mais par contre, on y retrouve toute la force tellurique que peut avoir ce groupe et que peut avoir cette suite. Il y a notamment une espèce d'intro complètement hallucinée et criée et beuglée par Christian Vander qui, je crois, vous mettra bien dans le contexte de la cosmologie cobayenne, si j'ose dire. Magnifique pièce. Mais je pense qu'il faut aussi respirer, de prendre le temps, et peut-être que c'est le moment de changer un peu de sujet. Ouais, carrément, mais je rassure tous les auditrices fans de Magma et de Kobaya, il y en aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a même pas passé la moitié de ce qu'on a prévu. Mais effectivement, une petite respiration, on va passer. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, mais pas sur ce qu'a dit Stéphane sur Magma tout à l'heure, mais ce qu'il a dit il y a trois émissions de ça quand il nous a présenté le groupe Comintern. Mm-hmm. Puisque bon, tu nous parlais de ce groupe extrêmement politisé, du rapport un peu à la société du spectacle qu'il pouvait y avoir dans ce groupe-là. Bah, là, on a une histoire qui est un petit peu similaire. Il y en avait beaucoup des groupes d'extrême-gauche à l'époque. Et parmi ces groupes-là, il y a le groupe Majoun, qui à ce moment-là s'appelle Majoun, M-A-A-J-U-N. Je dis ça va changer de nom de façon imperceptible à l'oreille, mais plus tard, ça changera de nom. En tout cas, ce Majoun, c'est complètement un cas. Il y a même une étude sociologique qui est menée sur le groupe Majoun, une étude qui va paraître dans le très sérieux ouvrage collectif Musique et Vie Quotidienne. Et dans cette étude, ben c'est Majoun qui est étudié pour la question de la distance, pour la question de l'étude en question, pardon, j'ai pris des notes, menée avec distanciation, étaye principalement l'idée d'un groupe de pop de la banlieue Est de Paris fondé par ses membres pour vivre collectivement et librement la musique par ses propres moyens. Voilà, un cas somme toute assez courant, mais qui devient donc un cas d'école. Bon, faut aussi préciser que le sociologue qui mène cette enquête, Alain Roux, est un des membres du groupe, ce qui est plus facile pour pouvoir un peu raconter la sociologie de la chose. Et ce groupe-là, Majoun, donc voilà, c'est ce qui vient d'être raconté. C'est un groupe qui ne veut pas s'intégrer à la société du spectacle. Le monde du spectacle est aliénant. C'est un groupe qui système des merdes, qui va jouer dans des squats, emprunter des amplis aux copains pour arriver à pouvoir jouer en public. Qui plus tard utilisera le réseau des MJC de France, qui est un réseau qui a eu une importance capital dans la propagation des musiques un peu expérimentales à l'époque, le réseau MJC, mais notamment le manager de Magma, Giorgio Gomelski, a beaucoup utilisé ce réseau-là. Ah. Il y a beaucoup de groupes comme ça qu'auraient pas forcément joué dans des salles de spectacle à proprement parler. Les programmateurs se seraient dit, pas sûr que mon public adhère. Pour le coup, les MJC, c'était très ouvert. Ah oui, à fond, oui. Bah, tous les groupes de la scène prog comme Ange, Triangle, Gong, se sont tous fait les MJC hein, en France. Hein. C'est ça. Ouais. Et quand tu parlais de Comintern, justement, tu avais évoqué aussi le fait que les maisons de disques se disent, tiens, il y a peut-être un truc à faire niveau pognon avec toute cette communauté d'extrême-gauche et ces groupes porteurs. Ils ont vraiment un public qui les écoute. Il y a peut-être moyen de vendre des disques. Et c'est ainsi que le label Vogue enregistre le premier album de Majoun, donc M-A-A-J-U-N. On est en 1970. Ils l'enregistrent, ensuite ils écoutent la bande-son, ils font, ouais, bon, quand même, il y a un morceau, il s'appelle Orgasme. L'autre, c'est Le cœur du peuple là, c'est quand même très militant. On parle de travail, famille, patrie. On fait une espèce de parodie de la Marseillaise. Ouais, pas très politiquement correct. Et du coup, le disque est jugé incommerciable par le label qui refuse de le sortir. Majoun entreprend alors une guérilla des médias de plusieurs mois pour faire sortir le disque. Il passe plusieurs fois, décidément, au très réputé pop club de José Arthur sur France Inter. Comme interne. La presse leur consacre quelques articles. Le groupe pose carrément dans Rock and Folk pour faire la pub d'une friperie. une friperie plutôt branchée, plutôt mais plutôt comment dire, accessible à tous. C'est pas la friperie hyper chère, mais bon, ça reste quand même de la pub, quoi. Et bon, cela dit, ça finit par marcher parce que Vox se dit que bon, ben ouais, effectivement, il y a vraiment un élan autour du gauchisme, il y a un potentiel commercial. On sort l'album donc en 71. Voilà. Alors, bon, j'ai pas marqué d'extrait tout bêtement parce que Majoun apparaît dans la Nurse Wizoun List sous son nom transformé, puisque le groupe va s'appeler Majoun, M-A-H-J-U-N. Vous voyez la différence? Ah ouais, Il y a un A qui saute et un J. Alors pourquoi cette transformation? Parce qu'en fait, à l'intérieur c'est pas Majun, du groupe. Parce que H-U-N c'est un, ça s'appellerait Majun, quoi. Peut-être qu'on dit Majun. J'avoue, ouais, moi j'ai toujours dit une, mais je suis pas sûr. Mais tu poses une bonne question. Faudra leur demander. Donc je disais que ce groupe change de nom et aussi parce qu'il change de line-up, parce qu'en fait les trois quarts des musiciens se barrent, parce qu'en fait il y a un problème idéologique. Tout ça a posé un gros problème idéologique en fait dans le groupe. C'est où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on a vraiment envie de devenir un groupe commercial, est-ce que c'est bien d'avoir fait une pub alors qu'on est contre la société du spectacle, contre le capitalisme. Donc il y en a à l'intérieur qui disent en gros, laissons la société, cette société du spectacle, nous s'occuper de nous, et nous, on va se servir de cette arme-là pour propager nos idées. Et ouais. En fait, on aura fait un cheval de Troie dans la société du spectacle, et nos idées vont aller encore plus vite toucher le plus grand nombre. Ça, c'est la. Et l'autre moitié dit non, faut pas toucher à ça, c'est de la poubelle, faut pas mettre les doigts dedans, quoi. Voilà, une espèce de polémique. Doit-on aller chez Hanouna quand on est à la France insoumise? Enfin, ce genre de truc, ouais, quoi. Est-ce que, voilà, pour toucher le plus grand nombre, renier un peu ses convictions, ses idées? Et donc, ça donne un clash. Et il ne reste donc plus que deux musiciens originaux. Jean-Louis Lefebvre, qui est vraiment le maître à penser du truc, qui d'ailleurs, par la suite, va s'appeler Jean-Louis Majoun et sortir des disques sous ce nom-là. Et l'autre musicien, que je ne dise pas de bêtises, Jean-Pierre Arnoux. Et à ce moment-là, rencontre cruciale, ces deux musiciens rencontrent les tenants du label Sarava. Qui est un label de musique... Pierre Barou, non ? De Pierre Barou, tout à fait, voilà. C'est un musique label de musique, voilà, un peu de musique du monde, qui est assez spécialisé aussi dans une espèce de pop avant-gardiste avec des paroles complètement, complètement barrées. Il y a notamment Brigitte Fontaine, qui est une des artistes les plus connues de Sarava, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'a fait Sarava dans ces années-là. Sarava, dont la devise était « Il y a des années où on a envie de ne rien faire ». Ah, pas mal. Ouais, c'est jolie, jolie phrase. Il faudrait la mettre en pancarte pour la manif des... Pour la manif pour la retraite à 60 ans, tiens. Celle-là, elle passerait bien, tiens. Puis un petit coucou aux copains qui manifestent. Pour dire la vérité, cette émission est enregistrée en amont, pendant la manif. J'ai pu y aller 5 minutes. Et voilà, coucou à tous ceux qui continuent à lutter. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Mais bon, on parle de groupe de gauchistes, hein, on va pas non plus... voilà, bref. Toujours est-il que... donc, il y a cette rencontre avec le label Sarava. Et ça s'entend très bien. Et du coup, ils montent un nouveau line-up pour sortir donc leur premier album sous le nom de Majoun, M-A-H-J-U-N. Comment situer cet album? Ben, c'est vraiment un album Sarava, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il y a aussi une petite anecdote qui est assez sympa, c'est qu'ils ont participé, ils ont fait la musique, là, les deux larrons de Majoun, avant d'enregistrer un nouvel album, ils ont fait la musique sur une tournée de cirque, et ça a amené quelque chose à leur musique aussi. Un truc un petit peu plus ouf, un petit peu plus lâché, qui part un peu dans tous les sens. Ça vaut ce que ça vaut, tout est pas génial, mais il y a quand même des morceaux magnifiques, comme celui que je vais vous faire écouter maintenant, et qui s'appelle Les Enfants Sauvages. Et je trouve qu'en plus, en dehors du fait que c'est un des meilleurs morceaux de l'album, voire le meilleur, il représente vraiment bien la couleur de tout ce que j'essaie de vous raconter depuis tout à l'heure sur l'identité musicale de ce groupe. Donc voilà, on a un super exemple, on va pas s'en priver. Je te fais confiance. Les Enfants Sauvages. L'Enfant Sauvage. Thank you. Voilà, c'était Les Enfants Sauvages. Et ben voilà, c'est ça que ça donne en fait un groupe qui... C'est ça que ça donne un groupe qui... Ils ont bien fait finalement de faire cette fameuse scission, de continuer dans la veine non commerciale et bon, cette rencontre avec Sarava. Je trouve que vraiment ce morceau, il porte presque aussi les couleurs de ce label-là. Quoi. Il y a vraiment de tout. Ouais, ouais. C'est marrant. On verse dans une sorte de jazz psyché... Effectivement, on peut retrouver les côtés percussifs qui ont dû plaire à Pierre Barou. C'est vrai que c'était un grand amateur de musique brésilienne et je sais qu'il avait monté son label en partant de là. Et je ne savais pas qu'il avait produit. Je connaissais, tu m'as rappelé, Brigitte Fontaine qui faisait déjà à l'époque des choses hors des sentiers battus. Et là, on est quand même quelque chose de très simple. C'est pas trop intello. C'est cool. C'est bien. Bah justement, dans le chaud, fil rouge, là... C'est pas très froid, contrairement à Chrominterne. C'est musique un peu assez agressive, là. Il y a rien d'agressif du tout. C'est mieux enregistré aussi. Ouais. Il n'y a pas photo là-dessus, quoi. Il y avait vraiment un bon studio chez Sarava. À l'époque, là, dans les années 70, ça s'est même prolongé chez les gens qui ont envie de prolonger les antagonismes. Mais il y avait une espèce d'antagonisme, un peu à l'image du fait, genre, il faut choisir entre les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Il y avait un petit peu ce truc-là entre Magma et Gong. C'était vraiment la couleur lumineuse, on va dire, et la couleur sombre d'une certaine façon de faire de la musique. Bon, sur Majoun, s'il fallait choisir le côté, c'est le côté lumineux. Il y a des moments qui évoquent vraiment Gong. Au point d'ailleurs où ils sortent un deuxième album, Majoun, qui s'appelle Majoun 2, je crois, toujours chez Sarava. Et ensuite, ils font une tournée en Angleterre, tournée plutôt réussie, et ils sont surnommés par les médias anglais The Happy French Band. Au moment de sortir leur quatrième album, du coup d'ailleurs ils sont plus chez Sarava à ce moment-là, je sais pas pourquoi, au moment de sortir leur quatrième album, Majoun, en tout cas le troisième sous le nom M-A-H-J-U-N, ouais. si vous suivez depuis le début, cet album-là du coup s'appellera Happy French Band, et la pochette c'est un camembert. Okay. On peut voir le petit clin d'œil pour les Anglais. Bah ouais, on est la France, on est un joyeux groupe et notre symbole c'est un camembert. Et camembert électrique de Gong. Voilà, La boucle est bouclée, c'est magnifique. Donc on va complètement boucler la boucle en passant un des titres de cet album-là. Bon, moi personnellement, sur tout ce que j'ai écouté, j'ai jamais été hyper emballé. Mais pour moi, le meilleur reste le premier titre, le premier album d'où est tiré les Enfants Sauvages. Celui-là est un petit peu plus rock, un petit peu plus produit, un petit peu moins fou. Mais il y a quand même quelques petites perles comme ce Casse-moi ce rock. L'abeille gratte-ciel, pendue à un arbre bleu. Tandis que le mime blond tourne autour de la lune. La Sainte Vierge des pucelets, c'est le lance-pierre du gamin. C'est la maison qui s'éclate dans le petit matin. Qui craint le grand méchant, le mort, c'est pas le mort, c'est pas le mort. Qui craint le grand méchant, le mort, c'est pas le mort. Dosaire des jours gris, fout des constructions de gomme. Et les fous qui hypnotisent des épilepsies d'oiseaux. Qui craint le grand méchant loup ? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui craint le grand méchant loup ? C'est pas nous, c'est vous. Casse-moi ce rock, c'était Majoun ou Majin, on le saura un jour, sur Radio Radio pour ce vraiment autre chose numéro 202 au pied de la lettre numéro 28 déjà. Et nous sommes toujours sur la lettre M, le fil rouge c'est Magma, donc on passe de l'autre côté de du côté plutôt sombre avec Magma et c'est Nico qui reprend la main. Et puis Nico, on va faire du Magma non-stop. Si je peux juste te dire un truc sur cette histoire de sombre et de lumineux, autant ils ont des attitudes, des habits, une prestation scénique assez sombre, Magma, mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal de morceaux lumineux. Le Ima Souri d'Ondaï, etc., sans parler des titres qu'il peut y avoir un peu gospel ou balade sur l'album Attaque. Je trouve qu'il y a quand même, ça alterne des morceaux sombres, martial, etc., mais c'est très lumineux par moments, je trouve, la musique de Magma. Des mélodies très simples, très pures, avec les voix. C'est limite angélique, ce côté choral. Et je trouve ça un peu étrange, ce truc. Alors, c'est vrai qu'ils sont habillés en noir, etc., cheveux longs, mais la musique. Oh, tous les antagonismes. Hein, c'est toujours pareil. Ça exprime pas. Il y a ce point commun d'être des groupes donc, qui tournent un peu dans les mêmes réseaux, donc ils vont toucher les ah oui, non, mais c'est les batailles à la con. Il y a aussi la cosmologie, tout, quoi. Gong, quand ils prennent une soucoupe volante, quand ils partent dans l'espace, c'est ils pas pour. Plus dans le... voilà, c'est quand même plus joyeux, quoi. Ouais, c'est mais pas pour revenir te dire que tout va cramer, quoi. Il faudrait plus parler d'humour que l'aspect lumineux. Mais enfin bon. L'attitude scénique aussi. Enfin, il y a tout un truc quoi qui crée qu'effectivement, si tu mets ces deux groupes au même endroit, il y a un schisme quoi. C'est, oui, c'est, oui, c'est vraiment. Oui, moi, je trouve deux versants. Après, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté même soul que peut avoir le chant par moment dans Magma. Il y a des choses hyper lumineuses. Des fois, il se passe des trucs bien dans leur périple. Des fois, ils tombent sur des planètes mortelles où ils sont trop contents. Enfin, voilà. C'est pas que sombre. Tu as raison. La musique de Magma, c'était juste un petit. Oui, mais je voulais juste faire le chipoteur. Qu'est-ce que t'en penses, Nico, de tout ça? Je pense que ils ont fait des choses très originales en comparant avec la formation juste avant Majoun où qu'on a une copie très pauvre de Bones of Dog Duda Band. Ici, je trouve que c'est vraiment de musique originale. Donc, je ne sais pas trop de dire, mais j'adore l'esprit de Magma dans tous les sens. Et est-ce que c'est sombre ou pas? En écoutant de la musique, je ne pense pas. Il y a peut-être des trucs qui sont un peu sombres, mais dans la majorité, je ne pense pas du tout. Ah, c'est pas Black Sabbath, quoi. Je parlais plus de la cosmologie, des costumes, de l'attitude scénique. Mais oui, la musique de Magma, de toute façon, est magnifique. Là ne sera jamais la question, malgré tout ce qu'on pourrait remettre en question dans ce groupe. Sa musique, elle est juste sublime. Ah, tout à fait. Et aussi, en 73, il y a aussi Christian Vander qui reste quand même un peu dans le jazz. Et il commence avec les 3GF. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est un peu une formation autour de jazz. C'est pas la même chose. Hein, mais aussi, dans cette année-là et l'année d'après, il commence avec ce truc individuel. Et là, on va le développer plus profond au moment qu'on arrive au Christian Vander dans le Listener's Return, je pense. Mais c'est aussi l'année où il a écrit l'album, comment il s'appelait, je ne me souviens plus, le Tristan et... Et Ize. Voilà. Mosaïka. Ah, c'est ça. Donc, c'est un super chouette album, je trouve aussi. Et là, beaucoup de gens pensent, OK, Magma, ils vont continuer avec ce qu'ils ont fait. Et donc, beaucoup de gens attendaient que l'album suivant de Magma restait un peu dans l'esprit de mécanique commande destructif. Maintenant, ils ont changé à nouveau un peu le chemin. C'est l'album Contarkos qui était enregistré en 1974 à partir d'explorer une nouvelle direction harmonique, prenant ainsi le contre-pied de tous ceux qui attendaient un mécanique destructif commande bis. Après la réussite de l'album précédent, là où la quasi-totalité des musiciens serait complue dans la commodité de l'auto-plagiat, lui choisit de prendre le maximum de risques, s'obligerait par le même de se surpasser, ce qui va conduire à enfanter un nouveau chef d'œuvre par rapport aux albums précédents. Quand Tarkovsky, la composition présente une profonde originalité de placement de l'air, de la pulsion rythmique qui a eu lieu de marquer le temps est constamment au-dessus. Les différents éléments de la batterie tentant ont laissé place à un jeu désormais plus sobre. À chaque coup de baguette semble penser 20 tonnes. Il en résulte tout au long du morceau un climat mystérieux, tout en son explosif qui tient en haleine de l'auditeur jusqu'à l'éclatement final. C'est par rapport au MDK, le Mechanic Destructive Commando, le son du groupe est quelque peu modifié avec la mise en refrain des voix au profit d'une basse à l'aise, monstrueuse, et de la clavier aux sonorités parfois étranges. L'esprit Magma demeure intact. Et on va écouter un morceau de cet album-là, parce qu'ils ont quatre morceaux, deux morceaux qui sont part one, part two. Idéalement, on l'écoute en intégralité, mais vu la durée de l'émission et que le temps qu'on a déjà consacré à Magma, on va justement passer un parti de cet album-là. C'est Contarkos, part 1 de Magma. Thank you. Eh ben, c'est bien beau tout ça. Voilà. Et ça, c'était la face A. Si vous avez envie d'entendre encore plus de ça, il faut justement tourner le disque, le vinyle. Et là, vous avez la face B. Il y a la partie 2 qui continue avec Magma. Eh ben, ma foi, c'est superbe. Oui, non, Stéphane ? Ah oui, alors, ferme donc la porte, tu as raison. Que dire de plus qu'à la suite de cet album, il y a Yannick Top qui quitte le groupe. Et que là, pour le coup, c'est un gros coup dans la gueule pour Christian Vander. Il le vit très très mal. C'était vraiment, tu l'avais souligné tout à l'heure, Nico, et Stéphane aussi d'ailleurs. Enfin, il y avait vraiment quelque chose dans cette partie rythmique-là qui était d'une évidence claire et qui a aidé la musique à avancer à tel point que, notamment pendant la période où Yannick Top faisait partie de Magma, Christian Vander a composé au taquet. En fait, il y a plein de pièces qui ont été composées sur ces périodes-là, qui n'ont pas été publiées à l'époque. Il y a eu Tozam Tak, qu'on a pu entendre en live en 81, mais je ne sais même pas si elle a été publiée en version studio depuis. Tozam Tak... Je vois des versions concert, mais version studio, je ne suis pas sûr qu'elle était... Voilà, non, il a décrété que la version, je crois... c'est comme Vourdaïta. Ouais, que les versions du Triton ou du Trianon étaient les définitives. Voilà. Ok. Donc voilà, il a fallu attendre très longtemps donc, pour pouvoir entendre Tozam Tak. Là, on a écouté Kontarkos, mais il y a une autre pièce qu'a écrit Christian Vander dans ces années-là qui s'appelait Kontarkos Anteria, qui sortira sous le nom K.A. mais dans les années 2010, je crois, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. J'ai pas mes notes. Enfin, tout ça pour dire que je crois que j'en oublie. Il y a Ementet Re, pareil, qui est composé dans cette période-là. Le gars compose sans arrêt, en fait. Christian Vander est vraiment omnubilé par sa musique et par l'univers de Magma, et du coup, ça lui donne une espèce de verve créatrice incroyable. Donc, il écrit un nombre incroyable de pièces, et quand ce que j'ai cité, c'est des pièces de 45 minutes minimum quand c'est pas des triple albums. Enfin, je veux dire, c'est pas genre un morceau de 5 minutes. Le gars compose sans arrêt, beaucoup plus vite, en fait, que le rythme de Magma ouais. En studio, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'on peut sortir que par la suite. Donc du coup, qu'est-ce que je disais, Yannick Top s'en va. Gros coup de massue pour Christian Vander, mais qui quand même à ce moment-là rebondit bien parce qu'il réunit un line-up autour de lui de malades mentales avec Bernard Paganotti à la basse, notamment Didier Lockwood, Patrick Gauthier au piano. Enfin, c'est un line-up qui marche très bien, qui donne bien vie à la musique de Magma et qui va tourner pendant 3 ans, 4 ans et qui sera qui vaudra les plus grands concerts de Magma. Un peu la renommée de Magma va prendre vraiment un bond en avant avec ce line-up là qui amène une couleur justement peut-être plus chaleureuse, plus chaude à la musique de Magma tout en respectant complètement l'univers. Et donc voilà, c'est ainsi que ça se passe avant qu'on arrive à l'enregistrement de Oudou Voudou. Alors ouais, voilà, Christian Vander, quand je vous disais qu'il avait été marqué par le départ de Yannick Top, c'est carrément « je ne veux plus mettre les pieds dans un studio, je ne veux plus, non, plus de studio, je ne veux plus enregistrer. Allez, vas-y, on est censé faire cet album-là, allez, viens en studio. Non, je viens en studio que si Yannick Top, il vient. » Enfin, je bien sûr, je caricature, hein, je ne veux pas du tout manquer de respect à Christian Vander, mais c'est vrai que ça lui tenait vraiment à cœur que Yannick Top soit là, qu'il refusait de remettre les pieds dans un studio. Si Yannick Top revenait pas. Donc relance de Yannick Top, allez, vas-y, viens Yannick, allez, vas-y, tu pourras faire plein de la basse. Et au final, Yannick Top revient pour cet album Oudou Voudou, où 3 de ses compositions sont à l'honneur. Il y a le bassiste Bernard Paganotti, lui, il est sur le point de quitter le groupe, mais il pond quand même une composition pour cet album-là. Le reste, c'est signé Christian Vander. Ce qui donne en fait un album assez hétéroclite, hein, qui a pas vraiment de corps, si ce n'est que la face B, c'est une pièce entière de Yannick Top, qui est une merveille, des Futura. Mais la face A, elle est... je sais pas, il manque de quelque chose, c'est que des morceaux courts, 4, 6, peut-être 7 minutes grand max. Donc ce qui change complètement, ce qui décontenance pas mal le public de Magma, qui se dit ça y est, Magma fait des concessions, des morceaux courts, albums, radio, etc. Mais en même temps, Des Futura, c'est tellement une merveille que les gens s'y retrouvent. Et d'ailleurs, je vous parle de Des Futura, qui est une merveille. Bon, on va se l'écouter de suite. Je vous laisse découvrir la face A. Il y a vraiment quelques pièces, notamment celles écrites par Yannick Top, qui sont bien sur la face A. Mais c'est vrai que c'est pas par rapport à tout ce qu'on a pu entendre précédemment. Il y a quelque chose du côté un peu facile par rapport à tout ce qu'on a entendu oui, en termes oui. de composition. C'est on n'est plus sur des couplets refrains ou des ABC, les plans sont plus. Mais ça reste quand même du magma. Ah, t'as la grosse basse, ouais. Ouais, grave. Eh bien, alors là, pour le coup, d'ailleurs, le morceau qu'on va écouter, donc des Futura, c'est pas compliqué, c'est Christian Vander et Yannick Top, tous les deux. C'est parti. Et une des pièces maîtresses des concerts de magma, notamment, une des plus belles choses qui, je trouve. We'll be right back. Et ben voilà. Ça, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux passer d'autre après ? Ah, c'est vraiment merveilleux. C'est une pièce, alors, pareil, hein, je disais ça sur Mécanique, mais pareil, c'est vraiment à voir en live. Quand par bonheur, tu as un concert de Magma et qu'il commence à faire les premières notes, t'es là, oui, ils vont la faire, et c'est vraiment ouf. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Que dire de plus, Nico ? Une réaction ? Une réaction, enfin je sais pas, si tu avais quelque chose à... Une petite anecdote de concert sur cette pièce, ou je ne sais. Une anecdote, pas vraiment, mais c'est... peut-être que c'est le premier album que j'ai découvert de Magma, dans les années fin 80, je pense. Et depuis, oui, je suis emballé. Ben, il y a de quoi, quoi. Que dire de plus, Christian Vander s'est fait un plaisir, donc, finalement, d'enregistrer cet album grâce au retour de Yannick Top, mais retour qui sera, hélas, éphémère. Yannick Top repartira, ça reprendra pas. Et, c'est quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, marquera beaucoup Christian Vander aussi dans sa veine compositrice et en tant qu'être humain. Et c'est vrai que, voilà. Tu prends Magma, t'enlèves tout ce qu'il y a autour, tu laisses juste les deux et c'est encore une pièce magnifique. Enfin, c'est vraiment, oui, il y a. Bah, d'ailleurs, c'est là où toi, t'as amené le vinyle là. Ce morceau est enregistré uniquement avec Yannick Top. Bon, il y a Klaus Blaskis qui fait des voix, mais sinon c'est différentes basses interprétées par Yannick Top avec Christian Vander à la batterie. On sent vraiment la fusion entre ces deux joueurs. Alors en plus, comme ils s'amusent à mettre, alors il y a une basse synthé, il y a un violoncelle fretté. Je sais pas lequel, qu'est-ce qu'il fait comme son. Il y a un clavier qu'interprète Yannick Top. Mais Vander, il joue entre les deux trois lignes de basse qu'on peut entendre, puisque en concert c'est interprété par des guitares. Il y a même une version live au Triton où il y a une basse piccolo, donc une basse plus petite jouée par Philippe Bussonnet pour Des Futura. Donc on peut l'interpréter de différentes façons. Et là, c'est vraiment la fusion des deux, quoi. Je crois qu'ils ont fait un groupe après de jazz fusion qui s'appelait Fusion, tout court, ouais, oui. C'est ça. Il y avait l'Alien quelque chose peut-être, mais je ne sais plus si je confonds, mais Fusion, tout simplement. Ouais, Fusion, avec une pochette avec une voiture. Avec la voiture, très kitsch. Mais oui, c'est dégueulasse, ouais. Mais très jazz rock. Mais c'est vrai que là, on sent ce son énorme de ce travail de basse de Yannick Top, qui est un bassiste remarquable dans le monde de la basse. Vu que j'en joue un peu, je sais que c'est un bassiste légendaire dans le style, donc oui, là il y a tout son boulot qui est fait, c'est complètement dingue. Ça fait plaisir de réécouter ça. Ouais, ouais, par la suite, Yannick Top est plutôt devenu un musicien de studio, jouant avec les plus grands noms de la musique de variété. Et on le retrouvera dans l'univers de Zeul bien plus tard, quoi. Je crois qu'il fait son retour en 2010, non, le triple concert. Pour les concerts du Triton. C'est il revient à ce moment-là, je crois, quoi. Enfin, une énorme parenthèse, quoi. Il vient, et là, c'est son fils qui l'a remplacé. Exact. Ouais. Il avait sorti un album solo aussi de basse, Yannick Top, pour être complet. Oui, carrément. J'ai oublié le nom. Oui, il a fait, à part jouer pour Johnny Hallyday notamment, pendant 20 ans. Et, France Gall, Michel Jonas, etc. Il a toujours enregistré des albums perso de ce qu'on appelle le jazz rock, quoi. Mais il a toujours fait des albums, Yannick Top. Ouais, évidemment, plus confidentiel. Et l'Infernal Machina, pour le coup, est un album solo, mais totalement dans l'univers de l'Hazel. Mais carrément. Là, on est très loin, on dérive beaucoup. Toujours est-il que voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh ben, comment régler ça ? Bon, du coup, c'est encore un Christian Vander, pas au sommet de l'enthousiasme, qui finit par retourner au studio, en l'occurrence au château d'Hérouville. Ah. Et là, pareil, lui, sa dernière marotte en tête, c'est qu'il n'arrive pas à finir Emen Tetré. Il est bloqué à un endroit, il n'arrive pas à le... Il peut pas l'enregistrer, en tout cas, c'est pas le moment, et de toute façon, on ne peut pas enregistrer ces longues pièces, c'est pas non plus le moment. Donc du coup, il écrit exprès pour l'occasion des choses plutôt courtes. On est dans un format les mauvais esprits diraient FM, mais bon, de nos jours, FM, c'est après tout nous-mêmes, on est sur la bande FM, donc on va arrêter de dire que c'est péjoratif. Mais bon, à l'époque, ça voulait dire formaté pour la radio. C'est pas vraiment ça l'idée, c'est qu'il a plus il a pas envie de recomposer encore une nouvelle pièce extrêmement longue. De toute façon, il a plus l'inspiration pour ça. Par contre, il écrit des petites pièces entre 4 et 7 minutes qui perdent pas de la verve de Magma. Comment compenser l'absence de Yannick Top? Eh ben, en prenant un bassiste, en le faisant jouer deux basses. Voilà. Le bassiste, c'est Guy Delacroix. Et il joue deux basses, la Earth Bass, la basse de la Terre, et la Air Bass, la basse de l'air. Et c'est une des spécificités, d'ailleurs, de cet album qui lui donne vraiment une couleur très particulière. On retrouve un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le domaine du lumineux. Il y a plus lumineux, cet album de Magma. Plus... Oui, il y a beaucoup de piano aussi, acoustique. Benoît Wiedemann. Ouais. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure en intro de Coltrane. Cet album, les suites d'accords de piano, pour ceux qui écoutent John Coltrane, les fans purs et durs, diront oui, bon, c'est pas non plus du John Coltrane, du McCoy Tyner. Mais on retrouve là, moi je l'entends là, ses sensibilités, ses accords toujours de cartes, ses rides et ses frisés de batterie très Elvin Jones, et on revient un petit peu là sur quelque chose d'un peu plus coltranien que ces longues pièces qui rappelaient plutôt la musique classique ou Karl Orff, Stravinsky, etc. sur l'album Attack en particulier. Voilà. Carrément. Un petit peu plus jazzy, plus soul, on revient un petit peu à ça, quoi. C'est l'inspiration. Ouais, c'est bien dit, tout en gardant quand même la couleur Magma, elle est quand même très présente. Bah, les deux basses, comme tu dis, c'est la marque de fabrique d'avoir un gros son de tellurique pour accompagner à la batterie, quoi. C'est tout à fait ça. Et je vous propose qu'on écoute le titre qu'introduit l'album et qui s'appelle The Last 7 Minutes. Oh. The Last 7 Minutes, c'était l'introduction donc de l'album Attack, sorti par Magma en 1978, dont nous vous racontons ce soir l'histoire, puisque c'est au pied de la lettre, et que Magma fait partie de la Nurse With Wound List, et que c'est notre sujet. Ce soir, on aura parlé quasiment que de Magma, mais je sais pas, ça fait du bien de ressentir bah, déjà. Et puis bon, c'est long, Magma, donc on peut pas en parler 10 minutes, c'est un peu le problème, ils ont une longue carrière, alors on a le parti pris de faire que ce qui a été fait avant la Nurse Wound List. Évidemment, l'essentiel de Magma se trouve là. On ne s'est pas amusé à faire Slack Tanz et Félicité Toz et blabla, tout ce qui est sorti depuis les années 90-2000. Mais bon, on est bien obligé. Puis quand on réécoute ces trucs-là, effectivement, ça fait longtemps. Alors ça fait du bien de les entendre. On n'écoute plus ça tous les jours maintenant, mais ça reste incroyable. Ouais. C'est vrai. Et puis Nico, tout à l'heure, tu nous racontais comment tu avais découvert Magma. Nous, c'est par cet album-là, Attack. Ouais, carrément. Je l'ai réécouté pour les besoins de cette chronique et il m'avait vraiment laissé une impression forte. Il me touche beaucoup moins maintenant, je remarque, que certaines pièces qu'on a pu écouter, que vous avez amenées à mes camarades des albums antérieurs. Mais bon, ça reste quand même, c'est solide, c'est efficace. C'est presque un bon album d'introduction dans l'univers de Magma. Du coup, les morceaux sont pas trop longs, il se passe tout le temps quelque chose et tout. Et peut-être après, pourquoi pas. Moi, c'est découvrir Magma, c'est ce qui m'a fait partir du punk et du métal vers le jazz, vers la musique contemporaine. Magma, ça m'a vraiment ouvert à tout, à des tas de genres que j'avais pas vraiment exploré, mais j'ai mis un pied dans ces musiques-là grâce à être rentré dans Magma. Donc à titre perso, il y a eu un avant et un après. Je ne saurais pas qui je suis si j'avais pas découvert Magma un jour. Donc ça fait vraiment plaisir d'en parler ce soir. C'est vrai. Ça et Crimson pour les musiques prog. C'est vrai que Magma, ça. Ça a été la Mystic Revelation de 1997. c'est ça. C'était marrant comme Christian Vander se prenait pour Ima Sumac. J'avais pas percuté ce chant hyper falsetto. On dirait Ima Sumac. Je sais pas si tu vois la cantatrice sud-américaine avec une voix complètement barjo. Enfin bref. Mais dans cet album, il est super présent, quoi. Dans le livre dont je me sers là pour raconter tout ce que je raconte. D'ailleurs, un petit coucou à tous les amis, les copains qui sont des gros fans de Magma, qui vont peut-être écouter cette émission. Il y a peut-être eu des approximations de notre part, hein. Vous nous les excuserez. L'important, c'est peut-être de diffuser cette musique et ce propos-là. Et on est très très content de le faire. Il connaît pas. Il a dit conneries. Putain. Il a dit 73 alors qu'en fait c'était en décembre 72. Allez, attention, les fans de Magma, il y a des gens extrêmement charmants dans cette communauté. Je veux pas du tout dire du mal et m'en attirer les foudres. J'ai fait des rencontres assez formidables d'individus vraiment fascinants et fascinés par l'univers de Magma tout en ayant le recul. Enfin bref, c'est très chouette. Et tous ces gens habillés avec le costume avec le pendentif de Magma ou le t-shirt Magma. Enfin, il y a toute cette espèce de scénographie-là qu'a adopté le public et qui leur a valu à l'époque de se faire soupçonner d'être une secte. C'est vrai, ouais. Et comme ils ont beaucoup d'humour, ils ont appelé leur collectif Univeria Sect, histoire de bien. Mais en tout cas, c'est un univers vraiment, vraiment fascinant que ce film Magma et c'est un plaisir de le partager avec vous. Allez, un petit dernier morceau donc de Attack. On va s'écouter Mant. C'est parti pour clore. Je dirais même que c'est ce morceau, parce que j'étais là, c'est ce morceau qui t'a fait bloquer Magma, en particulier. Il est vrai. Alors c'est parti, quoi. Donc c'est grâce à ce morceau que je suis là ce soir à l'antenne avec vous. C'est vrai. Donc ça fait vraiment plaisir de le passer. Allez, c'est parti. We'll be right back. Et voilà, c'était Mant, donc tiré de l'album Attack en 1978. Que dire de plus ? Tu veux brosser un peu ce qui s'est passé dans les années d'après ? Il y a le retour des cuivres aussi, j'avais pas fait gaffe plus que ça, mais grosse section rythmique. C'est marrant de se refaire la rétrospective comme ça sur les années 70. J'espère que tout le monde a bien entendu les différentes évolutions entre ce jazz un peu... pas free parce que c'est très écrit, mais un peu jump là, on passe d'un rythme à l'autre, etc. À des pièces très longues et puis des pièces plus courtes avec retour des cuivres, notamment sur Attack. J'avais pas fait le lien, tu vois. Riche histoire que celle de Magma. Et voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est... Excuse-moi, je... Ah mais non, mais vas-y, vas-y, vas-y. C'est le nombre incroyable de versions que l'on a de ces morceaux. Alors, c'est pas mal depuis quelques années. Il rejoue des morceaux de Kobaya en live. Il rejoue certains morceaux d'Attack en live. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est toujours des instruments différents. On a eu la période vibraphone, les périodes avec Didier Lockwood au violon, qu'on n'a pas évoqué avec le live de 1975. Mais toujours des périodes avec des musiciens, la guitare en particulier va être plus forte, le piano, on revient à différentes sources, des cuivres, puis plus du tout. Voilà. Enfin bref, c'est très protéiforme, la musique est souvent réinterprétée différemment, mais c'est toujours excellent. Voilà. Ouais. Par la suite, le line-up changera un nombre incalculable de fois. Mais plus de 150 Zikos dans Magma. Ouais, c'est un truc de fou. Il y a même... j'avais raconté ça quand on avait parlé du groupe Potemkin il y a très longtemps, Stéphane. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a... Ah oui. Je crois que c'est René Desmusclés qui a fait partie de Magma sur une tournée, oui, oui, notamment. Exact. Et il y a pas mal de musiciens. Des musiciens de Magma, il y en a 3-4 qu'on retrouve autour de Renault à l'Olympia. Enfin... Oui, riche histoire. Tu veux rajouter quelque chose sur Magma avant qu'on attaque le récapitulatif de fin d'émission, Nicolas ? Nicolas, c'est qui ? Nico, pardon. De rien, Manuela. Emmanuel, si tu veux tout savoir. Peut-être qu'on peut, peut-être un de vous deux est peut-être capable d'expliquer aussi un peu la différence entre la musique Zeul et le Rock in Opposition, parce que c'est souvent un truc qui revient. Je te laisserai parler du Rock in Opposition, Manu, parce que c'était vraiment le spécialiste. Mais pour ce qui concerne le Zeul, c'est d'après Vander la recherche de la note ultime, de la mélodie ultime, de cette recherche du son le plus pur, comme ce qui habitait John Coltrane, qui, vers la fin de sa vie, faisait des pièces de 40 minutes où c'est des solos de sax ininterrompus. On est vraiment dans une forme de mysticisme. Et comme le disait Manu tout à l'heure, on dit qu'on est une secte, on s'appelle la secte, on a le cobayen, ils sont en train de monter, moi je le vois comme ça aussi, le truc de base c'est ça, c'est la recherche de la note ultime. Et donc, on va catégoriser, on va cataloguer notre musique de Zeul, de recherche de la note ultime, de la mélodie parfaite. Et donc aujourd'hui, tous les groupes qui se déclament de Magma, on dit ils font de la Zeul musique, quoi. Ils sont eux aussi peut-être à la recherche de cette note mystique qui envoûte tous les gens qui écoutent Magma et la Zeul musique au sein de l'univers Yazekt. Voilà. Pour ce qui est du Rock in Opposition, il y a des groupes parmi les fondateurs du Rock in Opposition, comme par exemple Présent ou Univers Zéro, où on va avoir il y a un rapprochement stylistique qui est évident. Non pas que je prêterai à Roger Trigault ou à son camarade qui a créé Univers Zéro, mince, le nom m'échappe. Non pas que je leur prêterai le fait d'avoir pompé la musique de Magma ou de s'en être inspiré. Je pense surtout qu'en fait, la musique de Magma est inspirée de choses qu'ils sont loin d'être les seuls à avoir écouter. Et on va retrouver dans Univers Zéro ou dans Présent, dans pas mal de groupes de la sphère Rock in Opposition, effectivement tout ce qui est référence à Stravinsky notamment, Karl Orff, les compositeurs que Stéphane citait tout à l'heure. Donc si tu te réfères à ces musiques-là tout en acceptant un petit côté de jazz avec des instruments plutôt rock, c'est facile après de faire des groupes, effectivement, se sont revendiqués du Dzol. D'autres ne sont pas revendiqués du Dzol parce que c'était pas leur démarche. Juste, on a les mêmes inspirations qu'eux, on écoute pareil. C'est ça, c'est des musiciens de la même génération, avec les mêmes ouvertures. Je noterai là, sur le Rock in Opposition, ce serait plus à rapprocher de Comintern ou de Majeune. Il y a une portée politique quand même à travers les groupes Enrico, la façon de diffuser la musique. C'est international, musical, entre les Suédois, les Italiens, les Français. Là, ce serait plutôt ça qui éloignerait Magma de la sphère... C'est ce qui différencie Magma du reste. Ils ont fait leur chemin en solo. Et donc, à part les influences, effectivement, que peuvent avoir les uns sur les autres et les goûts communs musicaux... De toute façon, stylistiquement, le Rock in Opposition, c'est un peu l'abandon de certaines influences, on va dire, venues américaines, notamment celles du jazz, pour aller plutôt chercher du côté de la musique classique européenne. Donc, du coup, pour le coup, c'est le point commun. Mais effectivement, il y a tout ce schisme politique. Il y a aussi un autre truc qui les différencie bien, c'est que dans la sphère Rock in Opposition, la plupart des groupes, enfin, en tout cas, c'est quasiment dans la charte Rock in Opposition de Chris Cutler, pratiquent l'improvisation. C'est aussi, avec beaucoup, beaucoup d'impro dans leurs morceaux, des trucs complètement déconstruits. Enfin, Magma reste, même s'il y a longue place pour les musiciens pour improviser en solo au sein d'une structure, les structures, elles sont écrites, elles bougent pas. Alors qu'on va trouver dans le Rock in Opposition un petit peu plus d'improvisation à proprement parler. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de points communs. C'est une bonne question. Merci, Nico. Parce qu'on a aussi peut-être oublié d'en parler de... Parce que dans le Rock in Opposition, c'était aussi un peu de créer un lien entre les groupes dans tous les pays différents parce qu'ils organisaient eux-mêmes les concerts que Univers Zero invitait... comment s'appelle là Stormy Six, Sam Lama Mashmana et Tronfou de Blanc, Enrico. Oui, donc ils invitaient et... c'était inversé, donc tu m'invites, moi je t'invite dans mon pays et des trucs comme ça. Donc c'était pour créer une possibilité de jouer dans cette période-là. Oui, totalement. Oui. Et il y a aussi une forte revendication d'extrême gauche, là où Magma serait plus un groupe nihiliste. Oui, absolument, absolument. C'est vrai. Voilà ce qui les oppose. Mais après, je pense que quand on écoute l'un, on peut facilement glisser à l'autre. Enfin, ça a été mon chemin aussi. Et oui, quand on aime la musique de Magma, il y a beaucoup de choses dans le Rock in Opposition qui sont vraiment magnifiques. Et puis, il y a aussi tout l'univers Dzol. On a parlé d'Arkaya au tout début de la liste, qui est un groupe Dzol. Je crois que c'est les deux seuls groupes Dzol à proprement parler qui font partie de la liste. Il y a Védorge, le groupe de Bernard Paganotti, quand il a quitté Magma. Et après, il y a beaucoup de groupes qui se sont revendiqués de cette bannière Dzol, auto-revendiqués, qui s'y sont glissés. Il y a même notre ami Alain Lebon qui tient le label Soleil Dzol à Paris, qui publie encore des trucs de nos jours. Il y a vraiment des groupes qui choisissent d'évoluer dans cette couleur-là, d'y apporter leur personnalité. Certes, des groupes du monde entier, on en a trouvé au Chili, au Brésil, en France, en Europe de l'Est. C'est vraiment Magma a une portée internationale. D'ailleurs, pour finir avec le Rock in Opposition, pour avoir fait quelques festivals avec toi, je sais qu'en off, il y a des musiciens de Rock in Opposition qui... Magma, c'est pas leur tasse de thé, c'est pas un euphémisme que de le dire, quoi. Donc il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment pas du tout Christian Vander. Donc ça taille un peu, ça chambre un peu derrière entre les groupes Rock in Opposition, quand Magma en tout cas se retrouvait sur le festival, quoi. Il y avait des groupes qui étaient hommes, qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est pas du Rock in Opposition. Bon, après c'est des trucs de guéguerre, donc... Entre Zikos, je dirais pas qui a dit quoi, etc. Je me souviens d'un festival Rock in Opposition où il y avait Magma et il y avait aussi présent Univers Zero qui était à l'affiche. Et Christian Vander a vu la très bonne idée de répandre dans un journal d'ailleurs d'obédience pas vraiment à gauche une question sur la Dzol Music qui avait dit que Univers Zero pour lui c'était de la sous-Dzol. Voilà, donc, et Daniel Denis était présent, donc il y avait toute la bande d'Univers Zero et de présent qui avait un peu les boules et puis leurs fans, et puis du coup voilà, ça se croise dans les couloirs, enfin bref, Magma est un groupe qui a clivé, et Magma est un groupe qui a un peu, en tout cas Christian Vander, un petit peu tout fait pour cliver aussi, quoi. On va dire que c'est pas genre les artistes incompris et que personne n'aime, ils ont assumé une certaine radicalité qui leur a valu, quand on est radical, soit t'aimes, soit t'aimes pas, quoi. C'est un peu ça, c'était ça, au fond de mon propos. Nico, autre chose ou... Non, peut-être que c'est le temps pour les gens qui viennent justement à la fin de le concert de Magma, qu'ils ont peut-être maintenant le temps de faire, y aller acheter des merchandise et de, peut-être d'en profiter, de trouver de nouveaux trucs. La dernière fois que j'ai vu Magma, j'ai constaté qu'ils ont beaucoup moins de merchandise qu'avant. Mais je pense que c'est un truc en général, qu'il y a de moins en moins de merchandise au niveau de musique, mais plutôt de t-shirts et de tous les autres trucs. Ah. Ah oui. Alors, moi, je les ai beaucoup vus au festival Rock in Opposition, et pour le coup, ce festival-là, il se passait qu'une fois par an, il nous manque beaucoup, et réunissait des gens du monde entier qui avaient économisé au taquet pour pouvoir venir, etc. J'aime autant te dire qu'au Rock in Opposition, les tables de merch, elles étaient dévalisées. Même s'il y avait les mêmes trucs que l'an d'avant, ça partait quand même, enfin voilà. Mais effectivement, c'est une période un peu lointaine. Bonjour les petits enfants! Voilà. Et oui, on se réveille, les petits enfants. Et pourquoi qu'ils font là, les petits enfants? Ouais. Ils y viendront. Il y avait une chouette vidéo sur YouTube, je me rappelle, il y a quelques années, je suis sûr qu'elle y est encore. C'était Jade chante Magma et on voyait une petite fille de 4 ans en train de chanter du Magma à bloc là, dans sa voiture où il y a l'autoradio qui passait, elle chantait par-dessus. Enfin, les petits-enfants peuvent venir aussi à Magma, laissez venir à eux les petits-enfants. Les gamins aiment bien Magma. Tout petit, ils se moquent complètement du fait que ça dure 3/4 d'heure. Ils en écoutent de toute façon les 5 minutes qui passent. Ils aiment bien, ouais. Faites écouter vraiment autre chose à vos enfants. Ils s'en ficheront complètement que ça dure presque 3 heures. Hein. Je crois qu'on va atteindre les 3 heures d'émission sur ce vraiment autre chose numéro 202 au pied de la lettre 28, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'était la spéciale lettre M. Et on va pas se mentir, c'était quasiment une spéciale Magma. Il est venu le temps du récapitulatif de fin d'émission. Stéphane, c'est toi qui as ouvert la danse. Avec Aina sur l'album Kobaya, puis Stoa sur l'album du même nom, toujours. Et ensuite, Islandsey Doja sur l'album 1001 degrés centigrades de 1971. Et là, après, on a continué avec 4 morceaux de l'album Mechanic Destructive Commando, Fort für den Stegen West, c'est le premier, Imad Suri Dondai, le troisième c'était The Zollwerts Mechanic, et le quatrième, c'était Mécanique Commando. Tous les quatre étaient sortis en 73. On a fait ensuite une petite pause dans l'histoire de Magma et je vous ai parlé de Majoun ou Majin. On a écouté 2 titres, Les Enfants Sauvages, tirés de leur premier album éponyme, donc c'est le Majin avec un H, donc la deuxième version de Majin ou Majoun. Et on a ensuite écouté un extrait de l'album Happy French Band, sorti en 78, celui-là, et c'était Casse-moi ce rock. Et après, Magma nous manquait et on est retourné vers Magma et on a entendu un très long morceau, la face A presque complète, qui s'appelle Contarcos Part 1, qui était sorti en 74. Et on devait faire un deuxième intermède, mais finalement on préférait rester sur Magma et donc on a écouté toute la face B de l'album Oudou Voudou et le titre c'était Des Futura. Et ensuite, on est passé au dernier album en date de la liste, en 1978. C'est l'album Attack, et on a écouté The Last 7 Minutes, et on a fini par Munt. Munt. Et voilà. Ça devait être compliqué à l'époque d'écouter Mécanique. Quand j'y pense, il fallait tourner le disque pour avoir la face B. Ce qui est génial dans les lives, c'est qu'ils te jouent tout d'un coup, et sur les CD ou autre musique numérique, là. Ouais, ça mais il y a aussi la possibilité d'avoir 2 lecteurs de vinyle. Avec 2 vinyles, putain, ouais, un vrai fan de Magma, c'est parti quoi. Espérons qu'il fasse mieux les transitions que nous, avec un simple lecteur radio. Et voilà. Eh ben, super content de cette émission. Merci à toutes et à tous de rester à l'écoute donc de Radio sur 106.8 à Toulouse ou alors peut-être de Bram FM si vous nous écoutez dans la Corrèze le vendredi à 22h30, auquel cas là il doit être 1h30 à peu près. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Retrouvez toutes nos émissions donc en écoute. Il faut aller sur le blog de Vraiment Autre Chose. Il faut taper Vraiment Autre Chose, blog haut et fort, comme ça se prononce, mais tout attaché. Et là vous tombez sur notre blog ou sur la page page Mixcloud. Dès qu'il y a une émission qui est censurée, on a mis un lien. Vous puissiez l'écouter quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. T'es trop un fou, toi. C'est trop bien. On va pas se laisser censé. Comment il prend soin de vous. Bonne soirée et à la prochaine. Et à jeudi prochain, Nico. Normalement, oui. Et ben, je vois. Dans une semaine. Et ben, en plus, on a déjà bossé chacun sur un groupe qu'on n'a finalement pas placé ce soir. Donc voilà, il y aura du Mars et du Magical Power Mako déjà dans l'émission. Et après, on verra d'autres groupes en M, il y en a plein. Voilà. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Thank you.